3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinéparc. Course, poursuite, histoire d'amour passionnée et tour du monde en jet privé, la vie des agents secrets de cinéma peut faire rêver. Mais, dans la réalité, être espion est un métier. Ces espions de renseignement travaillent, par exemple, pour les services secrets extérieurs d'un pays, comme la CIA aux États-Unis, le FSB en Russie ou le SCRS au Canada. Les espions recueillent et analysent des informations pour assurer la sécurité de leur pays. Leur mission, empêcher des actes terroristes, aider à libérer des otages ou encore surveiller les activités de pays ennemis. Cependant, la majorité d'entre eux travaillent dans des bureaux. Ils sont ingénieurs, informaticiens ou spécialistes de langue étrangère, certains étudiant même les informations envoyées par d'autres agents qui, eux, travaillent sur le terrain. Ces derniers possèdent de fausses identités, de faux métiers et même de faux passés et doivent obtenir des informations incognito sur des pays ennemis. Très expérimentés, ce sont des pros de la filature, de la psychologie et des armes. S'ils sont découverts, ils risquent la prison et même parfois leur vie. Un espion peut interpréter des images satellites ou décrypter des données informatiques. Il a la responsabilité de recueillir, d'analyser et d'évaluer des informations sur des activités provenant de l'intérieur ou de l'extérieur de son pays qui peuvent constituer une menace à la sécurité de ce dernier. Appelé à identifier, dissuader et même mettre hors d'état de nuire des personnes qui participent à des activités qui menacent la sécurité de son pays, un espion a à procéder à des interrogatoires, recueillir et rassembler tous les indices pouvant mener à l'interception des personnes ou groupes de personnes à l'origine de ces menaces. Les personnes devenant agentes doivent avoir un intérêt pour l'actualité politique, militaire, économique et culturelle étrangère, avoir un sens accru des responsabilités, posséder un bon esprit d'analyse, un très bon sens de l'observation et une excellente mémoire, ainsi qu'une bonne capacité à la résolution de problèmes dans un délai des fois pouvant être que de quelques secondes. Les espions doivent rester très discrets sur leur métier et sur les affaires sur lesquelles ils travaillent, surtout face aux membres de leurs familles respectives, et c'est sur ce point que notre émission de programme double s'intéressera aujourd'hui avec deux films amusants remplis d'action qui nous montrent comment la vie de couple peut devenir un véritable enfer pour ses agents secrets. D'un côté, le film « Monsieur et Madame Smith » qui verront alors un couple qui reçoivent la mission de s'éliminer mutuellement, alors que dans le film « True Lies », un espion se rend compte à quel point il ignore tout de ce qui se passe sous son propre toit, alors que ce dernier est l'un des meilleurs dans son domaine, l'espionnage international. Donc, préparez vos gadgets et armes de toutes sortes et assurez-vous de bien connaître les gens qui vous entourent, car je vous propose un programme double enlevant qui nous montre une autre facette du métier de l'agent double 07. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. I'm sorry, sir. This is a private mountain. But I only wanted it. This mountain is reserved for patrons of drive-in theaters. But it's a supply depot for all sorts of good things, which people can get at the snack bar. Like soft drinks, hot dogs, good hot coffee, candy bars of all kinds, delicious popcorn, and refreshing ice cream treats. But I am a patron of this drive-in. Well, why didn't you say so? Be our guest. Men and women don't always understand each other. He says nothing. All she wants to do is talk. He's lazy. I'm good in bed, you know? Of course you are. Brushes me off. And I'm like, oh, shut up. No, I'm like, here we go again. I'm so frazzled. And look. It's making my hair fall. Wearing me thin. With one shampoo for her and one for him, Head & Shoulders understands them both, removing dandruff up to 100% and reducing hair fall due to breakage. Yes, they'll always be different, but both can have full, thick-looking hair with Head & Shoulders anti-hair fall due to breakage. So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive. He's the champ. He's the greatest. Because when it comes to winning blue ribbons, Dad can sure show us all how. But chances are he's always too busy making life easier for others to have time to collect them. So let's all toast the great family hero with a rousing, heartfelt cheer that's well earned. Happy Father's Day, Dad. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Rated X. Ce sont les deux tueurs les plus redoutables au monde. Leur identité est secrète. Même l'un pour l'autre. Ça va, le boulot ? On a eu quelques problèmes avec la commission. Et toi, Atlanta ? C'est un contrat que vous cherchez ? C'est vous, le contrat. On a eu quelques problèmes, nous aussi. T'as innové ? J'ai ajouté des petits pois. Ah, oh, des petits pois. J'aime ma femme. Mais il y a des moments où... Il y a maintenant une grande distance entre nous. Et elle ne fait qu'augmenter, surtout avec tout ce qu'on prend soin de ne pas se dire. Où est-ce qu'elle a appris à tirer comme ça ? Je crois que ça vient du gouvernement. Vous avez été identifié par un agent concurrent. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Je vous emprunte ça. Oui, oui. L'été prochain. T'es là, mon ange ? L'amour devient meurtrier. On a un problème, Jane. Apparemment, tu souhaites ma mort. Et je me soucie de moins en moins de ce qui peut t'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Par le réalisateur de La Mémoire dans la peau. Allez, viens voir papa. Viens là. Alors, c'est qui le patron ? Brad Pitt. Angelina Jolie. Toujours vivant, mon bébé ? Ah, ah. Mr. and Mrs. Smith. Vous savez que vous faites bip-bip? Mr. and Mrs. Smith, ou Monsieur et Madame Smith, est un drame d'espionnage qui a été distribué en salle le 10 juin 2005 par les studios 20th Century Fox. Ce film américain d'une durée de 120 minutes a coûté 126 millions de dollars à produire et amassera plus de 487,3 millions de dollars à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène américain Doug Liman, lui qui nous avait donné les films The Bourne Identity, Swingers et Edge of Tomorrow. Au niveau des postes de producteurs, on y retrouve les producteurs américains Akiva G. Goldman, lui qui avait travaillé sur la version de 1998 Lost in Space, I Am Legend et The Dark Tower, Lucas Foster, ce producteur qui avait travaillé sur Equilibrium, Morbius et la version de 2004 de Men on Fire, Patrick Watchberger, lui qui avait travaillé sur Coda, Step Up, la franchise et Star Crash, ainsi que Eric McCloud, lui qui avait travaillé sur Godzilla vs. Kong, 47 Ronin et Unstoppable. Cette équipe étant complétée par le producteur israélien Arnon Milchan, lui qui avait produit les films Brazil, The King of Comedy et la version 2003 de Daredevil. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste britannique Simon Kinberg, lui qui nous avait donné les scénarios des films Jumper, X-Men Days of Future Past et la version de 2015 de Fantastic Four. Dans la distribution, on y retrouve Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody, Kerry Washington, Keith David, Chris Weitz, Michelle Monaghan, Stephanie March et Jennifer Morrison. Deux époux menant une petite vie bourgeoise tranquille découvrent qu'ils exercent chacun à l'insu de l'autre le métier d'assassin professionnel. Or, la vérité éclate au grand jour lorsqu'ils se retrouvent impliqués tous deux dans une même opération où ils deviendront persuadés que l'un veut la mort de l'autre et vice-versa. Simon David Kinberg est né le 2 août 1973 à Londres, en Angleterre, et déménagera avec ses parents alors qu'il était enfant à Los Angeles, en Californie. Après avoir obtenu sa maîtrise en art de la Columbia University School of the Art, où il remportera plusieurs prix d'écriture scénaristique, Kinberg déménagera à Hollywood, où il obtiendra son tout premier crédit d'écriture de scénario, le film d'action Triple X State of the Union, qui sera diffusé en salle au début de l'année 2005. Alors qu'il terminait ses études à l'Université de la Colombie, Kinberg aura l'idée d'un autre scénario de film suite à des discussions avec un couple d'amis qui avaient connu des problèmes difficiles dans leur mariage et qui avaient eu besoin d'une thérapie conjugale pour s'en sortir. Étant également devenu un amateur des films d'action japonais, le jeune scénariste estima que cela ferait un modèle intéressant pour une relation à l'intérieur d'un film d'action et se servira de cette idée de base pour sa thèse de maîtrise en beaux-arts. Après avoir obtenu son bac, Kinberg verra ce scénario acheté par la compagnie Regency Enterprises, qui embauchera rapidement une équipe de producteurs pour la conception du long-métrage. Ce sera l'actrice Nicole Kidman qui sera alors choisie pour le rôle de Jane Smith. Désirant travailler avec l'actrice depuis quelque temps, Brad Pitt acceptera alors de signer sur la production et ce dernier proposera par la suite le nom de Doug Liman à titre de réalisateur, le dernier film de celui-ci, intitulé The Bourne Identity, ayant eu un succès phénoménal au box-office lors de sa sortie en salle en 2002. Bien que le scénario n'était pas parfait pour lui, Liman acceptera le poste et commencera à retravailler le script qui changera continuellement durant la production. Au total, plus d'une cinquantaine de brouillons seront retravaillés par des scénaristes tels que Jez Butterworth, John Butterworth, Carrie Fisher, Akiva Goldsman, Ted Griffin, Kieran Mulroney, Michelle Mulroney et Terrence Winter. Malgré cela, ce sera tout de même l'écrivain original Simon Kinberg qui conservera le titre de scénariste officiel de la production, la majorité des scénaristes étant seulement embauchés pour écrire plus d'une quarantaine de conclusions possibles du long-métrage afin d'explorer toutes les options possibles. Mais ces délais additionnels forceront alors le départ de l'actrice Nicole Kidman, qui se retrouvera alors dans un conflit d'horaire avec une autre production, soit le remake de The Stepford Wives. Suite au départ de Kinman, Pitt quittera également la production, ce qui forcera alors le réalisateur et ses directeurs de distribution à repartir à zéro afin de retrouver de nouvelles vedettes pour les deux rôles principaux. L'on débutera alors des recherches actives pour trouver un couple qui aurait une chimie parfaite pour amener l'auditoire devant le grand écran. Le premier couple qui sera considéré sera celui de Catherine Zeta-Jones et de Will Smith. Puis, ce sera Johnny Depp et Kate Blanchett qui deviendront également une option. Cependant, Liman embauchera l'actrice Angelina Jolie qui venait tout juste de connaître le succès avec son personnage de Lara Croft dans deux adaptations cinématographiques du jeu vidéo Tomb Raider sorti en salle en 2001 et 2003. Une fois son nom attaché au projet, l'acteur Brad Pitt décidera alors de revenir dans la production, ce qui remettra alors cette dernière sur la bonne voie, et ce, malgré ses deux mois et demi de retard sur la date originale du début de tournage. Avec ses deux vedettes signées, Regency Enterprises signera alors un contrat de distribution avec la compagnie 20th Century Fox. Jolie et Pitt obtiendront plus de 20 millions de dollars chacun pour leurs rôles respectifs. Par la suite, l'actrice Jacqueline Bisset ainsi que les acteurs Terrence Stamp et Vince Vaughn seront alors embauchés pour interpréter les vilains du long-métrage. Cependant, le retard de la production additionné avec l'embauche de l'acteur Brad Pitt causera quelques problèmes au niveau de tournage. Celui-ci se devant d'être arrêté en plein milieu de la production pour permettre à Pitt de tourner les scènes qu'il avait besoin de faire pour le long-métrage Ocean 12, pour lequel il avait précédemment signé. La première partie du tournage débutera donc le 5 janvier 2004 et durera jusqu'au 22 avril de cette même année. Toutes les scènes avec le conseiller matrimonial furent les toutes premières à être tournées. Pitt reviendra du tournage d'Ocean 12, ce qui permettra alors à la production de reprendre le 12 août 2004. La production se rendra au Colorado avant de revenir en Californie pour filmer la majorité des séquences. C'est à ce moment qu'entrera en scène le réalisateur de deuxième unité, Simon Crane. Crane avait précédemment travaillé sur des films tels que Lara Croft et Troy et fut amené sur la production afin de gérer les séquences d'action. Avec l'arrivée de ce réalisateur d'expérience, Liman donnera à Crane un certain nombre de scènes à filmer avec Pitt et Jolie, scènes qu'il aurait dû normalement réaliser lui-même, les comédiens étant alors totalement à l'aise avec cette situation, et surtout avec Crane. Mais une autre situation surviendra alors qui compliquera la production. À cette époque, l'acteur Brad Pitt était en train de se séparer de son épouse du moment, l'actrice Jennifer Aniston. À cause de cette situation, le plateau de tournage se retrouvera bondé de paparazzi qui croyaient alors qu'Angelina Jolie était responsable de cette séparation, une rumeur de liaison entre Pitt et Jolie étant née sur le plateau de tournage. En effet, les deux acteurs eurent une telle chimie durant la production qu'ils tomberont effectivement amoureux durant le tournage. Cependant, les deux acteurs prétendent n'avoir commencé à sortir ensemble dans la vraie vie qu'après le divorce entre Pitt et Aniston en janvier 2005, le couple divorçant finalement en octobre de cette même année. Cependant, la présence des paparazzi a tellement affecté le tournage du film que leur présence dut même être supprimée numériquement de la version finale du film, ces derniers apparaissant sur les séquences filmées. Angelina Jolie était une actrice extrêmement passionnée de son métier, à un point tel qu'elle aura quelques confrontations avec le réalisateur Doug Liman sur la façon de tourner certaines scènes, le réalisateur décidant au final de tourner les séquences avec sa vision, puis celle de Jolie, et finalement de choisir au montage la meilleure version. De plus, Jolie réalisera plusieurs de ses cascades, n'utilisant pas de cascadeur pour certaines séquences. Pour la scène du tango, directement inspirée de la comédie d'espionnage de 1994 « True Lies », Jolie et Pitt durent prendre des cours de danse pour se préparer à cette scène. De plus, une véritable rivalité se créera entre Jolie et Pitt lors du tournage, les deux stars suivant des cours d'entraînement au tir pour perfectionner leur portrait d'espion chevronné et cherchant à être meilleur que l'autre. Mais quelques problèmes viendront compliquer la continuité de la production, notamment au niveau du budget du long-métrage. En effet, les différents retards et réécritures de multiples scènes, ainsi que le travail de réalisation de Liman, qui apportait souvent des changements de dernière minute à un horaire ou à un lieu de tournage, forceront un dépassement majeur du budget, ce qui provoquera un arrêt du tournage le 31 octobre 2004, alors que les exécutifs du studio 20th Century Fox cherchaient à arrêter l'hémorragie monétaire, le film ayant dépassé de plus de 26 millions de dollars son montant initial. Cette situation forcera même le réalisateur à personnellement financer la construction d'un décor dans le garage de sa mère qu'il détruira par la suite lui-même à l'aide d'une grenade. Le tournage reprendra alors en mars 2005 pendant plus de 4 jours. Cet arrêt aura permis aux exécutifs de s'entendre avec Liman sur différents changements permettant de reprendre le contrôle des finances. Des séquences avaient été tournées avec des méchants qui étaient alors interprétés par Bisset et Stemp, mais ces scènes furent complètement abandonnées et les comédiens seront alors remplacés par Angela Bassett et Keith David qui fourniront ici leur simple voix à ces personnages devenus alors invisibles. De plus, un plan de l'hélicoptère survolant un Bogotá au début de la séquence de flashback sera une séquence qui fut tournée à l'origine en 1994 pour le film Clear and Present Danger et reprise pour ce film et améliorée à l'aide de l'infographie rajoutant des bâtiments en feu et une personne assise sur le siège passager arrière de l'hélicoptère. Afin d'obtenir un public plus large avec un PG-13 au lieu d'un Restricted, une scène de sexe très torride entre Brad Pitt et Angelina Jolie sera alors coupée au montage à la demande des exécutifs de Fox qui croyaient fortement au succès du long-métrage. Mr. and Mrs. Smith sortira en salle en Amérique du Nord dans plus de 3424 salles et accumulera plus de 50 millions de dollars durant son tout premier week-end. Le film amassera au total plus de 186 millions de dollars en Amérique du Nord et plus de 301,3 millions de dollars à travers le reste du monde, devenant ainsi le film le plus rentable de la carrière des deux vedettes, soit Brad Pitt et Angelina Jolie. Suite au succès du long-métrage, une suite sera alors prévue. Cependant, aucun scénario ne plaira aux deux acteurs qui refuseront alors de participer à un tel projet. En 2007, un pilote pour une série télévisée dérivée sera alors réalisé par le réseau ABC avec une histoire qui se déroulait 6 mois après la fin du film. Le scénario fut de nouveau écrit par le scénariste Simon Kinberg et l'épisode sera alors réalisé par Doug Liman. Les rôles des deux protagonistes seront alors interprétés par Martin Henderson et Jordana Brewster, remplaçant ainsi Jolie et Pitt. Cependant, le pilote ne plaira pas aux exécutifs de la chaîne de télévision américaine ABC qui décideront alors tout simplement de ne pas commander la dite série. En 2010, la maison de production Regency Enterprises investira dans le développement d'un prequel. Avec son développement venant 5 ans après la sortie du film original, le nouveau projet n'impliquerait pas les stars originales. De plus, le seul membre de l'équipe de production originale à rejoindre le projet serait le producteur Akiva Goldsman. Intitulé « Keeping up with the Joneses », le film explorait la vie de deux espions après avoir obtenu leur diplôme de formation en agence. Cependant, le projet aura plusieurs délais et sera finalement annulé suite à la sortie en 2016 d'un autre film du même nom par la 20th Century Fox qui, bien que ce dernier présentait des similitudes avec le projet initial, n'avait finalement aucun lien avec celui-ci. En février 2021, Amazon Studios annoncera qu'un nouveau projet de série télévisée basé sur le film original, qui devait mettre en vedette Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge, entrait alors en préparation. La série devait être à l'origine diffusée en 2022, cependant, en raison de différences créatives entre Glover et l'actrice Waller-Bridge, celle-ci quittera le projet début septembre 2021 et sera alors remplacée par l'actrice Maya Erskine en avril 2022, repoussant par le fait même le début de la production. Ce sera la productrice Francesca Sloane qui signera en tant que co-créatrice, showrunner et productrice exécutive de la série, alors que Michaela Coel, Parker Posey, Paul Dano et John Turturro se joindront à la distribution. Le tournage débutera durant l'été 2022 avec une date de sortie prévue pour l'automne 2023. Brad Pitt et Angelina Jolie formeront officiellement un couple en 2005 et se marieront le 23 août 2014 avant de divorcer en septembre 2016. Le couple que les deux acteurs ont interprété dans Mr. and Mrs. Smith sera classé le troisième des 25 couples de films les plus sexy de l'histoire d'Hollywood, ce classement étant réalisé par la compagnie Moviefone. Du côté des points forts, eh bien, l'attraction principale de ce film d'action est sans contredit la chimie parfaite entre Angelina Jolie et Brad Pitt, les deux comédiens étant tout simplement parfaits pour interpréter ce couple d'assassins professionnels vivant des problèmes conjugaux. Le scénario sait habilement mélanger l'humour cocasse des diverses situations avec une action très bien tournée par le metteur en scène qui possède certaines séquences de cascades tout à fait spectaculaires. D'ailleurs, l'idée de transporter les problèmes de la vie conjugale d'un couple à l'intérieur d'une relation entre deux assassins professionnels est ingénieuse et donne droit à des situations fort amusantes. La distribution ici est parfaite, notamment Vince Vaughn, qui est ici hilarant comme agent vivant chez sa mère suite à un divorce. La trame musicale, quant à elle, est enlevante et les chansons sont très bien choisies pour aller avec les différentes scènes d'action du long métrage. Mais du côté des points faibles, le scénario ici possède quelques lacunes, notamment plusieurs idées qui ont été empruntées d'autres films d'action. Certaines scènes sont beaucoup trop exagérées pour être crédibles, notamment certaines séquences explosives, mais cela donne tout de même un charme au long métrage dont le rythme est quelque peu lent, même dans les scènes d'action qui sont parfois trop bavardes. Les réponses aux situations problématiques de nos acolytes se trouvent parfois trop facilement et on devine que cela est fait pour faire avancer l'histoire beaucoup plus rapidement. Mais la véritable faiblesse du script est cette conclusion bâclée et exagérée qui nous laisse avec un point d'interrogation sur le pourquoi la mise à prix sur la tête de nos deux héros est soudainement levée sans aucune explication ou autre. Du côté musical, c'est le compositeur britannique John Powell qui s'occupe ici de réaliser la trame instrumentale du long-métrage, lui qui avait travaillé sur les films Face Off, Evolution, The Bourne Identity et la version de 2003 de The Italian Job. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore de Mr. and Mrs. Smith. Stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Hi, Do you know that there's something that you can do that will make a fantastic difference in your life? When you exercise, you energize. When you build strength, you build confidence. When you get physical, you get results. Make it a part of your everyday life, and it will make you win in everything you do. Now remember, fitness is for everybody, so go for it. It's ice cream time! That's right. Can I sell you some Lion's Mane ice cream? Cups, chalk ices, lollies? I shouldn't be doing this job, really. I haven't got the shape for it. But at least I get a free one. Now, what do you fancy? Stay where you are. I'll send the tray to you. Come on, up. Up. That'll be easier this way. Go on, off you go. Take care of everybody. That's it. Enjoy a bit of Lion's Mane magic now. Go on, spoil yourself. Motion picture advertising invites you to patronize the fine business establishments identified on this screen. They have been carefully selected for their reliability in providing the best in the products they sell, the accommodations they offer, and the services they render. Just tell them MPA sent you. What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog? There you are, tender, juicy, done to a turn with some fixin'. Hamburgers, ma'am? Just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection. Becoming attraction. And now, on with the show. Rated X. Get more out of life. Go out to a movie. How'd it go at the convention, honey? You were the big hit of the show. It's fantastic. It's, I love the computer business. For 15 years, Harry Tasker's been leading a double life. Mr. President, one of our best men is inside. Transmitting now. Right on time. I don't believe I've met you before. Rehnquist. Harry Rehnquist. Listen to the following code word. Helen. H-E-L-E-N. Now, they're about to collide. What's your exit strategy? I'm gonna walk right out of the front gate. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Yeah, that worked good. Right out the old front gate. Can you lean back a second? Mr. Tasker's office. Hi, it's Helen. Is he in? Harry's in a sales meeting, Mrs. Tasker. It's not like he's saving the world or anything. Well, see, this is the problem with terrorists. They're really inconsiderate when it comes to people's schedules. Could you press the button for the top floor, please? Hi, Helen. Harry forgot something back at the office. Whenever I can't sleep, I just ask him to tell me about his day. 6 seconds and I'm out. Maybe it's just that you're not in touch with your feminine side. Harry! What were you doing here? You wouldn't believe me if I told you. Do you know what this is? It's a snow cone maker. Is it a water heater? From James Cameron, director of Aliens and T2. Arnold Schwarzenegger. It's a Soviet MIRV 6 from an SS-22N launch vehicle. I married Rambo. Jamie Lee Curtis. Have you ever killed anyone? Yeah, but they were all bad. True Lies. What can I say? I'm a spy. True Lie, ou Vrai mensonge, est un drame d'espionnage qui a été distribué par les studios 20th Century Fox le 15 juillet 1994. Ce film américain d'une durée de 141 minutes a un budget qui varie entre 100 et 120 millions de dollars et amassera plus de 378,9 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène canadien James Cameron, lui qui nous a donné Terminator 1 et 2, The Abyss, Avatar et Titanic. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve le producteur canadien James Cameron, lui qui avait produit les films Xenogenesis, Solaris et Alita Battle Angels, ainsi que la productrice américaine Stephanie Austin, elle qui avait produit les films The Long Kiss Goodnight et Terminator 2 Judgment Day. Au niveau de la scénarisation, ce sera le scénariste canadien James Cameron qui s'occupera ici d'écrire le long-métrage, lui qui avait écrit les scénarios de Aliens, Piranha 2 de Spawning et Strange Days. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Art Malik, Bill Paxton, Tia Carrere, Eliza Dushku, Grant Heslov et Charlton Heston. Faisant croire à sa famille qu'il n'est qu'un vendeur d'ordinateurs sans ambition, un agent secret de premier ordre en vient à croire que sa femme lui est infidèle et concentre toutes ses énergies et toutes les ressources de son bureau pour retracer l'amant de cette dernière, alors qu'il travaille également sur une mission où il doit surveiller un dangereux terroriste. En décembre 1991, une comédie d'espionnage d'origine française, intitulée La Totale, sort sur les écrans à travers le monde entier. En France, le long métrage qui mettait en vedette Thierry Lhermitte et Miu Miu dans les rôles principaux aura un modeste succès avec plus de 1,6 million d'entrées, le classant ainsi dans le top 15 des plus gros succès de l'année. Mais ce sera au niveau international que La Totale se démarquera, amassant plus de 12,3 millions de dollars, ce qui en fera un véritable succès financier pour le producteur-réalisateur Claude Zidi. Ce fut d'ailleurs une visite au salon Millipol de Bourget, consacré à l'espionnage, que Zidi aura l'idée de son film. C'est en effet à cet endroit qu'il croisera l'acteur Thierry Lhermitte, avec qui il avait travaillé sur un autre de ses films à succès, intitulé « Les Ripoux » en 1984. Claude Zidi embauchera alors les scénaristes Simon Michael et Didier Kaminka pour écrire le scénario de son long-métrage et débutera par la suite le tournage en France le 27 mai 1991, tournage qui se terminera sans trop d'embûches le 2 août de cette même année. La Totale marquera la toute première apparition de l'acteur Frédéric Diefenthal, que l'on reverra plus tard dans la série de films français Taxi et qui se retrouvera alors aux côtés de Eddie Mitchell et Michel Boujna pour compléter la distribution. Suite au succès de La Totale, qui sortira en salle le 18 décembre 1991, le réalisateur-producteur Claude Zidi produira des cassettes vidéo de son film avec des sous-titres anglais et se dirigera au American Film Market de Los Angeles. L'une de ses cassettes aboutira chez Robert Shriver, le beau-frère de l'acteur Arnold Schwarzenegger, qui s'empressera alors de contacter le comédien. Après avoir visionné la dite cassette, Schwarzenegger contactera le réalisateur canadien James Cameron pour lui parler d'un nouveau projet de film, les deux hommes ayant précédemment travaillé ensemble sur The Terminator en 84 et Terminator 2 Judgment Day en 91. Cameron devait initialement faire Spider-Man The Movie à partir d'un scénario qu'il avait lui-même écrit, projet qui devait mettre en vedette Schwarzenegger dans le rôle du Dr. Octopus. Cependant, la compagnie de production Carolco Pictures traversera une multitude de problèmes juridiques et monétaires qui feront en sorte que Cameron acceptera de se concentrer sur ce projet en attendant que Carolco règle tous ses problèmes, ce qui n'arrivera malheureusement pas, la compagnie de production sombrant alors dans la faillite en 1996. Cameron s'entendra rapidement avec la 20th Century Fox, avec qui il avait déjà réalisé le film The Abyss en 89. En effet, ce nouveau projet entrera dans le cadre d'un accord sans précédent de 500 millions de dollars entre 20th Century Fox et sa société de production Lightstorm Entertainment. Cette entente permettait alors à Cameron d'avoir un contrôle artistique total sur plus de 12 projets réalisés dans le cadre de l'accord, tant que le budget par film ne dépasserait pas les 75 millions de dollars. Fox distribuerait les films au niveau national, tandis que Lightstorm conserverait la distribution à l'étranger et les droits de propriété intellectuelle. Cameron choisira donc True Lies comme premier film de cet accord, estimant qu'il voulait un succès commercial pour cimenter cette nouvelle entente. Par la suite, le réalisateur canadien contactera Claude Zidi, qui lui vendra alors les droits cinématographiques de son film La Totale pour seulement 1 $, geste symbolique qui donnera cependant droit à Zidi à un pourcentage sur les recettes du remake de Cameron. Une fois les droits acquis, Cameron s'attellera à la tâche d'écriture. Rapidement, celui-ci se séparera de l'histoire originale de La Totale, ne gardant que l'essence du film français, mais inventera totalement le premier et le dernier tiers du long-métrage. Nullement habitué à la comédie, Cameron embauchera une équipe de scénaristes pour l'aider à écrire les blagues du film, mais insatisfait du travail de ces derniers, renverra ceux-ci et réécrira alors le scénario au complet, ne conservant que 2 blagues de la première version du script. D'ailleurs, Schwarzenegger participera en quelque sorte à cette réécriture, l'acteur aidant le réalisateur à établir le rythme des dialogues. Durant l'écriture, Cameron créera une organisation d'espionnage international du nom de Omega Sector qui sera dirigée par un homme à poigne offrant une ressemblance physique avec le personnage de comic book de Marvel, Nick Fury. Cherchant à trouver un acteur crédible pour jouer le rôle et qui serait capable d'intimider le personnage de Schwarzenegger, Cameron approchera alors le comédien légendaire Charlton Heston, qui acceptera aussitôt le poste. Pour le rôle féminin, James Cameron avait rencontré l'actrice Jamie Lee Curtis pour la première fois lorsque cette dernière était l'interprète principale d'un film mis en scène par l'ex-femme de Cameron, Catherine Bigelow, en 1989, intitulé Blue Steel. Impressionné par son travail, le réalisateur avait toujours désiré travailler avec l'actrice et écrira même le personnage d'Hélène avec elle en tête. Cependant, Schwarzenegger n'était pas enthousiaste à l'idée que Curtis joue le rôle d'Hélène au début et a exprimé ses craintes à Cameron via son agent. Cameron se résignera donc à pressentir d'autres actrices pour le rôle féminin, dont Rosanna Arquette, Kim Basinger, Annette Bening, Joan Cusack, Gina Davis, Melanie Griffith, Jennifer Jason Leigh, Madonna, Demi Moore, Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, Emma Thompson, Leah Thompson ainsi que Deborah Winger, mais ce sera finalement la comédienne Jodie Foster qui obtiendra le rôle. Malheureusement, cette dernière dut se désister pour participer au tournage du long-métrage dramatique Nell du réalisateur Michael Apt, rôle qui lui permettra d'ailleurs d'obtenir une nomination aux Oscars en 1995 comme meilleure actrice. Suite à ce départ, Cameron ira voir de nouveau Schwarzenegger et lui demandera de lui faire confiance concernant Curtis, l'acteur devenant par la suite impressionné par la prestation de cette dernière durant la production. Pour le partenaire de Schwarzenegger, ce sera l'acteur Tom Arnold qui sera choisi. Fait amusant, Arnold ne croyait pas avoir de chance de jouer dans la production, mais l'acteur désirait tout de même passer l'audition, étant un grand fan de Cameron et surtout Schwarzenegger. Durant cette audition, Arnold jouera quelques scènes pour Cameron aux côtés de Schwarzenegger et le réalisateur fut immédiatement impressionné par la chimie entre les deux comédiens. Cependant, les hauts dirigeants de la 20th Century Fox n'étaient pas très ouverts à l'idée d'utiliser l'acteur, ce dernier ayant une très mauvaise réputation en raison de ses bouffonneries publiques avec sa femme de l'époque, Roseanne Barr. Cameron menacera alors de quitter la production si l'acteur ne pouvait pas être choisi, ce qui forcera les exécutifs de la Fox de céder. Durant la production, Arnold se retrouvera en instance de divorce avec son épouse et l'acteur se servira de certaines situations de sa séparation en improvisant certaines lignes, dont celle où son personnage de Gibb raconte l'histoire de sa deuxième femme qui a tout pris quand elle l'a quitté, même les bacs à glaçons du congélateur. Suite à cette production, Tom Arnold, James Cameron et Arnold Schwarzenegger deviendront de très grands amis. Pour le personnage de Salim Abu Aziz, ce sera l'acteur Art Malik qui sera choisi par Cameron, ce dernier ayant remarqué l'acteur grâce à sa prestation dans le film de 1992, City of Joy. Pour compléter sa distribution, Cameron approchera l'acteur Bill Paxton, avec qui il avait déjà travaillé sur Terminator et Aliens. L'actrice Tia Carrere, dont le contrat initial était de 7 semaines, mais qui s'allongera à plus de 7 mois, remplacera l'actrice Karina Lombard après le début du tournage. Finalement, la jeune comédienne alors âgée de 12 ans, Elijah Dushku, sera choisie pour interpréter la fille du personnage de Arnold Schwarzenegger, True Lie, devenant son 4e film en carrière. Ce sera alors le directeur de la photographie Russell Carpenter qui sera embauché sur la production. Carpenter avait une carrière de plus d'une dizaine d'années dans le milieu, l'homme s'étant occupé de la direction photo de films tels que Pet Sematary 2, The Lawnmower Man et Critters 2. Cette production, cependant, permettra à Carpenter de se faire un nom dans le milieu, l'homme étant par la suite directeur de la photographie du célèbre Titanic de James Cameron en 1997. Le tournage débutera le 25 août 1993. Le film se tournera à Rhode Island, en Floride, à Los Angeles, à San Diego, à Baltimore, en Caroline du Nord, à Washington et finalement à Toronto, au Canada. Afin de permettre à ses acteurs de donner des interprétations justes, Cameron prendra une entente avec la CIA et les services secrets américains afin que ses comédiens rencontrent d'authentiques agents secrets. Même le corps de la marine acceptera de louer à la production trois avions de chasse Harrier AV-8B, engins qui pouvaient décoller et atterrir à la verticale et qui n'avaient encore jamais été vus sur le grand écran. Un montant total de plus de 100 000 $ sera remis à la marine, ce qui correspondra à peu près à un taux horaire de 2 410 $ de l'heure. Pour la séquence finale, ce sera le concepteur des effets spéciaux John Bruno qui permettra à Cameron de sauver de l'argent au niveau de son visuel. En effet, le réalisateur avait à l'origine conçu la création de sa séquence finale à l'aide du CGI, devant utiliser plus d'une soixantaine de plans à effets numériques. C'est alors que Bruno proposera de filmer les séquences de combat entre Tasker et Harris en construisant une maquette géante en film de verre d'un Harrier au dernier étage d'un immeuble de grande hauteur à Miami, permettant ainsi d'avoir un point de vue idéal sur la ville en contrebas. Se servant d'une grue adjacente pour y placer sa caméra, Cameron utilisera de nouveau cette grue pour abaisser le Harrier au niveau de la rue et également pour filmer des plans du Harrier tournant le long du bâtiment avec les cascadeurs sur l'avion. Certaines des parties les plus dangereuses de la scène furent tournées avec les acteurs dans un studio devant ce qui deviendra pour l'époque le plus grand fond d'écran vert à 180 degrés jamais construit à Hollywood. Dès le début du tournage, des problèmes surviendront, ce qui provoquera des conditions de tournage très désagréables. À un certain moment, la production se retrouvera dans un manoir qui n'était pas chauffé à l'époque. Ces séquences étant tournées en hiver, les températures glaciales à l'extérieur feront en sorte que la température à l'intérieur du manoir fût très froide. Toutes les figurantes sur le plateau ne portaient que des robes et malgré le fait que des lampes à pétrole furent utilisées pour chauffer les pièces, ceci ne sera pas assez pour rendre l'emplacement agréable. En compensation de ces ennuis incontrôlables, tous les figurants de la séquence recevront alors un 50 euros supplémentaire. À un moment donné, le tournage en Floride durera plus de 12 jours consécutifs sans interruption. Celui-ci eut lieu juste avant les fêtes de Noël, ce qui créera un mécontentement à travers l'équipe de production. Cependant, au retour sur le plateau de tournage au début de janvier, tous les membres de la production reviendront au travail avec un sentiment de liaison, ce qui fera en sorte que le reste du tournage deviendra beaucoup plus facile. Pour filmer les scènes de l'ancien Seven Mile Bridge, pour l'arrivée et le décollage du jet Harrier, la production dut fermer le trafic sur le pont à intervalles réguliers pendant plusieurs minutes à la fois. Chaque fois que cela se produisait, des femmes étaient envoyées parmi les voitures arrêtées, donnant aux conducteurs de la liqueur et des autocollants sur lesquels on pouvait lire « J'ai été arrêté sur le pont Seven Mile par le secteur Omega ». Le budget de True Lies enflera au fur et à mesure des semaines et des dépassements. Le tournage prévu pour 5 mois avoisinera finalement les 7 mois de travail, forçant James Cameron à réduire certains plans plus dispendieux. Comme dit un peu plus tôt, cela forcera de rallonger le contrat de l'actrice Tia Currier, qui passera alors de 7 semaines à 7 mois de travail. Le tournage dura si longtemps que même l'acteur Bill Paxton tournera dans un autre film pendant les pauses entre les tournages de True Lies, ce dernier jouant parallèlement dans le western Frank and Jesse. Paxton ne sera pas le seul à avoir d'autres engagements, ce qui amènera une mauvaise réputation envers le réalisateur canadien dans l'industrie. Ces retards étaient causés majoritairement aux perfectionnistes de Cameron. Pour la scène se passant dans la salle de bain, Cameron a jugé que le décor était beaucoup trop petit et ce dernier exigera que la pièce soit reconstruite, mais 3 fois plus grande, ne donnant qu'un délai de 48 heures au concepteur de production Peter LeMond et à son équipe. D'ailleurs, à l'origine, la scène de combat dans la salle de bain ne faisait qu'une demi-page dans le scénario, mais Cameron changera le tout, le tournage de la scène ne devant durer à l'origine qu'une seule journée, mais qui en prendra finalement 5 à tourner. L'actrice Jamie Lee Curtis demandera au réalisateur de faire elle-même l'une des cascades les plus dangereuses du film. En effet, lorsque son personnage se retrouve agrippé par le bras afin d'être transféré du toit ouvrant d'une limousine au-dessus du Seven Mile Bridge avant que le véhicule ne s'écrase dans l'eau, Curtis, dont presque toutes les cascades de la séquence furent tout de même réalisées par sa doublure Donna Keenan, demandera au réalisateur de filmer le gros plan de son visage en vue réelle et non d'utiliser le numérique. 3 jours avant son 35e anniversaire, l'actrice se retrouvera donc câblée à l'hélicoptère, retenue par le cascadeur Joel Kramer, James Cameron se trouvant sur le siège passager de l'hélicoptère avec la caméra 70 mm dans ses mains alors qu'il filmera lui-même la séquence. Pour la scène de danse du striptease, celle-ci ne fut pas chorégraphiée, Curtis improvisa cette dernière sur le plateau durant les 3 jours de tournage qu'il en prendra pour filmer la scène. Lors du tournage, James Cameron demandera même à l'actrice de choisir la chanson sur laquelle elle danserait devant les quelques 100 techniciens présents, cette dernière choisissant la chanson « Alone in the Dark » parue dans l'album « Bring the Family » du chanteur John Hiatt. Durant le tournage, Cameron a eu l'idée de faire en sorte que Curtis lâche le montant de lit lors de sa danse afin de chuter par terre, de façon à rendre plus réelle la séquence qui était devenue trop sexy à son goût. Du côté de Schwarzenegger, ce dernier devait tourner une séquence à cheval dans le bassin situé au-dessus du monument à la mémoire d'Abraham Lincoln à Washington. Cependant, le ministre de l'Intérieur refusera d'autoriser le tournage de la scène, forçant le tournage d'une cascade avec un cheval à l'intérieur d'un studio et la construction d'une estrade de plus d'une trentaine de mètres de haut. Lors du tournage de la séquence, l'une des caméras au bout d'une longue perche frappera accidentellement la tête du cheval sur lequel se trouvait Schwarzenegger, ce dernier paniquant alors et forçant l'acteur autrichien à descendre rapidement du dos de l'animal. Mais Schwarzenegger découvrira alors qu'il n'y avait pas de place pour lui sur la passerelle, risquant alors une haute chute avec l'animal, chute qui aurait pu lui être fatale. Ce sera finalement le chef cascadeur Joel Kramer qui se précipitera alors à son secours, sautant sur la plateforme et saisissant les rênes de l'animal pour le faire reculer doucement, permettant ainsi à Schwarzenegger, qui réalisait lui-même bon nombre de ses cascades, de s'en sortir indemne. Mais le plus grand défi de Schwarzenegger n'était pas de faire toutes ses cascades physiques, mais de danser un tango. En effet, l'acteur désirait être aussi bon au tango qu'Al Pacino l'était dans le film « Scent of a Woman » et dut prendre des cours de danse. Il lui faudra plus de 6 mois de pratique avant de se perfectionner pour la dite séquence. Avant que la production ne soit complétée le 26 mars 1994, surviendra sur le plateau un incident qui causera un froid entre l'acteur principal et le réalisateur. En effet, alors que Schwarzenegger et Tom Arnold devaient jouer une scène sur le Constitution Avenue à Washington, une lumière sur le plateau de tournage sautera, forçant alors son remplacement. Dans l'attente de la réparation, Schwarzenegger propose à son partenaire une balade dans la ville. Ainsi, les deux acteurs se détendent durant plus d'un quart d'heure devant le Lincoln Memorial, le Capitole et divers musées. Lorsqu'ils reviennent sur le plateau, James Cameron se tient debout face à eux, la lumière ayant été changée en seulement 2 minutes, forçant le réalisateur à attendre ses deux vedettes. De mauvaise humeur, Cameron s'approchera de Schwarzenegger et le menacera de se retirer du projet et de confier le film au réalisateur Paul Verhoeven, avec qui l'acteur avait déjà travaillé 4 ans plus tôt sur le drame de science-fiction Total Recall. True Lie est arrivé à un moment où la série James Bond était en pause. La société mère Dion Danjack et le nouveau propriétaire de MGM étaient en conflit, forçant une pause de 6 ans entre License to Kill en 1989 et GoldenEye en 1995. Cameron mettra le paquet sur la production afin de rivaliser avec la série d'espionnage, faisant en sorte que son film deviendra le tout premier film d'Hollywood à dépasser la barre du 100 millions de dollars en budget pour la production d'un long métrage. Après une série de projections avec un auditoire test, Cameron coupera certaines séquences, dont l'une entre le personnage de Harry Tasker et sa fille. De plus, Cameron décidera de retourner en tournage afin de filmer plus d'une 40aine de plans supplémentaires. Pris par le tournage de Junior, Arnold Schwarzenegger dut prendre quelques jours de congé de cette production afin de participer à ses quelques reshoots. Une fois le film terminé, Cameron sera tellement impressionné par le travail de l'actrice Jamie Lee Curtis que celui-ci fera une grosse demande à son acteur vedette. En effet, dans son contrat, Schwarzenegger demande que son nom apparaisse seul avant le titre du long-métrage dans le générique d'introduction, ce que l'on appelle généralement dans le milieu du cinéma le « top billing ». Le réalisateur demandera alors, après la fin du montage, s'il serait acceptable pour Arnold d'accepter que le nom de Jamie Lee Curtis soit mis aux côtés du sien avant le titre, ce à quoi Schwarzenegger acceptera immédiatement. « True Lies » fut l'un des derniers films à sortir sous le format 70 mm à Hollywood. Le film sortira en salle en juillet 1994 et rencontrera un énorme succès malgré des accusations de sexisme et de racisme. Sorti dans plus de 2368 salles en Amérique du Nord, True Lies prendra directement la première place du box-office en amassant tout près de 26 millions de recettes engendrées le premier week-end d'exploitation, mais sera déclassé la semaine suivante de la première place par le drame Forrest Gump. Au final, le film de Cameron amassera des recettes totales de plus de 146 millions de dollars sur le territoire nord-américain et de plus de 232,6 millions de dollars additionnels à l'étranger. True Lies fut à la tête du box-office en Chine pendant plus de 12 semaines consécutives et sera le tout premier film provenant d'Hollywood à être distribué et présenté au Vietnam depuis la fin de la guerre en 1975. Malgré cela, le film sera retiré des cinémas indonésiens en raison de la controverse engendrée par le fait que les méchants de l'histoire étaient musulmans, insultant du fait même l'islam, présentant ce peuple comme des extrémistes religieux. De plus, le comité anti-discrimination américano-arabe fut l'un des nombreux groupes à organiser une manifestation dans un cinéma de Washington qui iront jusqu'à demander un boycott du film ainsi qu'une interdiction de sa diffusion dans plus de 54 films arabes et musulmans. Au final, True Lies obtiendra une nomination aux Oscars au niveau des meilleurs effets visuels, mais ce sera finalement le film Forrest Gump qui remportera ce prix. Cependant, l'actrice Jamie Lee Curtis remportera le prix de la meilleure actrice de l'année au Golden Globe de 1995. En avril 1997, Schwarzenegger et Tom Arnold rencontreront James Cameron afin de discuter de la possibilité d'une éventuelle suite de True Lies qui ramènerait également Jamie Lee Curtis dans son rôle. À l'époque, Cameron était occupé à travailler sur Titanic. Cependant, après la sortie de Titanic à la fin de 1997, le réalisateur se mettra à la recherche d'un scénariste pour travailler sur le script. En août 1999, Cameron et 20th Century Fox étaient en négociation pour la création de cette suite alors que Jeff Easton fut embauché pour écrire le scénario sous la supervision de Cameron, ce qui prendra plus d'un an et demi à faire. En mars 2001, l'annonce fut faite, le scénario était terminé et les trois acteurs principaux étaient signés. Mais les attentats du 11 septembre 2001 mettront alors fin au projet, Cameron déclarant qu'il trouvait déplacé dans les circonstances de faire un film mettant en vedette des actes terroristes. Par la suite, Schwarzenegger deviendra gouverneur de la Californie en 2003, ce qui mettra un clou final dans le cercueil de True Lies numéro 2. En septembre 2010, il sera annoncé que James Cameron était en négociation avec 20th Century Fox pour créer une série télévisée basée sur son film True Lies, mais Cameron quittera le projet et Fox tentera de faire un pilote de la série avec MCG comme producteur exécutif et possible réalisateur. Le 10 février 2021, le poste de télévision américain CBS annoncera la production de la série télé avec en vedette Steve Howie et Ginger Gonzaga dans les rôles principaux, tandis qu'Erika Hernandez, Omar Miller, Mike O'Gorman, Annabella Didion et Lucas Jay compléteront la distribution. La série, qui devait être diffusée le 23 février 2023, sera finalement reportée au 1er mars 2023 avec une première saison de 13 épisodes. Pour des raisons monétaires, True Lies sera alors annulée après la diffusion de son 13e épisode avec plus de 2 millions d'auditeurs à son actif. L'héritage de True Lies sera alors assombri par deux situations. La première sera cette histoire de plagiat dans laquelle le scénariste français Lucien Lambert, qui avait notamment participé à l'écriture de la série Belphégor, attaquera en justice Claude Didi et James Cameron, estimant que les scénarios des deux films sont des contrefaçons d'Émilie, un script qu'il avait achevé en 1981, vainement proposé à des producteurs de cinéma, mais néanmoins adapté au théâtre et même traduit et publié en version américaine. En 2001, un tribunal français réfutera le prétendu plagiat, mais, tenace, Lambert fera appel et apportera d'autres preuves épaulant ses dires. Le 4 juin 2004, la Cour d'appel de Paris tranche en faveur de Lambert, forçant même Claude Didi à rembourser à Cameron ce que ce dernier devait verser à Lambert. Lucien Lambert décédera en octobre 2017 à l'âge de 85 ans. La seconde histoire débutera avec l'annonce de l'actrice Elijah Douchkou qui prétendra en janvier 2018 avoir été agressée sexuellement par le coordinateur des cascades du film, Joel Kramer, alors que cette dernière n'était âgée que de 12 ans et que celui-ci était âgé de 36 ans. Dans ses dires, Douchkou prétend que peu de temps après ses gestes, une de ses amies adultes affrontera Kramer sur le plateau et que le jour même, Douchkou fut blessé sérieusement lors d'une cascade dont Kramer avait la responsabilité. Ses dires furent niés par Kramer, mais Schwarzenegger, Curtis, Tom Arnold et le réalisateur James Cameron exprimeront alors leur soutien pour l'actrice. True Lies sera adapté pour les consoles de jeux vidéo Super Nintendo Entertainment System, Sega Genesis, Game Gear et la plateforme Game Boy en 1994. Du côté des points forts, eh bien Cameron crée ici un film d'action bourré de scènes spectaculaires et enlevantes où l'on peut voir le haut budget de la production sur l'écran, le tout rempli de morceaux de bravoure à la James Bond qui défile un rythme d'enfer qui ne faiblit jamais. Schwarzenegger est ici beaucoup plus crédible que d'habitude et est soutenu par une excellente distribution, ce qui rehausse grandement la qualité du long-métrage. L'humour caricatural fonctionne très bien ici, surtout lorsque Cameron en met beaucoup plus que le client en demande, alors que Tom Arnold joue très bien son rôle de comic relief, bien que ce dernier soit trop sous-utilisé. Tout en étant un excellent remake de la totale, True Lies est le parfait produit qui fait en sorte que l'on aime voir un film de Schwarzenegger et se trouve sans contredit comme l'une des meilleures productions de l'acteur dans sa carrière. Cependant, du côté des points faibles, eh bien, Cameron n'est pas un comique et son humour fonctionne principalement à cause de sa réalisation grandiose et démesurée. C'est pour cette raison que le long-métrage est ici beaucoup plus un film d'action qu'une comédie. Bill Paxton est loin d'égaler Michel Bougenat dans le rôle de Simon, celui-ci ne faisant que reproduire un personnage qu'il nous avait déjà présenté dans Aliens. Cameron se concentre beaucoup trop sur la relation du couple entre Schwarzenegger et Curtis, que sur la famille, ce qui fait en sorte que le personnage de la jeune fille est totalement inutile ici, le talent de la jeune Elijah Douchkou étant tout simplement gaspillé. D'ailleurs, Cameron semble plus à l'aise avec la pyrotechnique que d'approfondir les relations entre ces différents personnages qui demeurent superficielles et ambiguës. Au niveau des effets visuels, la séquence finale est trop, pas au niveau de l'action, mais au niveau des effets numériques qui ont vraiment mal vieilli avec le temps, ces derniers paraissant beaucoup trop, ce qui nous fait regretter ici le dicton « moins est mieux ». Du côté de la trame instrumentale, eh bien, c'est le compositeur américain Brad Fiedel qui s'occupe de la composition musicale, lui qui avait réalisé les trames sonores des films Terminator, Terminator 2 Judgment Day, Fright Night et The Accused. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore du film True Lies. We'll be right back. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film Mr. and Mrs. Smith 4. J'y vais également avec une cote 4. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans pour des scènes de violence et un langage vulgaire. Du côté de True Lies, eh bien, Mediafilm a coté également le film 4. J'y vais aussi avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma y va avec une cote générale. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques séquences de violence. Maintenant, au niveau du film La Totale, Mediafilm cote le film 4. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau des points positifs, eh bien, je trouve ici que le réalisateur français Claude Didi nous présente une histoire d'espionnage simpliste possédant une touche loufoque d'ordre familial et sentimental. C'est un long métrage qui possède quand même un excellent rythme qui ne laisse pas vraiment le temps à l'auditoire de s'ennuyer. Et on voit que le réalisateur possède ici une excellente maîtrise de l'humour, La Totale étant beaucoup plus une comédie qu'un film d'action, à l'inverse du remake qu'est True Lies. Au niveau de la distribution, eh bien, cette dernière est excellente, tout particulièrement Miu Miu, qui est parfaite dans le rôle de la femme opprimée, et surtout Michelle Bougenat, qui est tout simplement superbe ici dans le rôle du séducteur imbécile. L'aspect familial ici est bien exploré et l'utilisation des gadgets pour surveiller sa famille est beaucoup plus intéressante que dans le remake. Un autre point qui est intéressant, c'est de voir à quel point notre espion voit tout autour de lui, absolument tout, sauf ce qui est en face de lui. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence entre La Totale et le remake qu'est True Lies. Mais du côté des points faibles, ben, l'interprétation des comédiens est véritablement théâtrale, comme le sont généralement les films français de cette époque. Le scénario manque définitivement de finesse et fait très épisodique par moment. On sent que les acteurs s'amusent ici, malgré le fait que leurs personnages tiennent de la grossière caricature. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film La Totale générale. J'y vais également avec une cote pour tous. Au niveau maintenant de la disponibilité en DVD et en Blu-ray, Mr. and Mrs. Smith est disponible en français et en anglais, en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Vous pouvez également avoir le film La Totale, qui lui n'est disponible en français qu'en DVD seulement. Et pour le film True Lies, eh bien, le film est disponible en DVD, en Blu-ray, ainsi qu'en 4K, en français et en anglais. Donc, quelque chose qui peut s'ajouter à votre collection de DVD. Au niveau de la trame sonore, eh bien, vous avez deux trames sonores qui sont disponibles pour Mr. and Mrs. Smith, les deux qui ont été distribuées par l'étiquette Lakeshore Records. La première étant les chansons du film, qui a été distribuée le 7 juin 2005. La seconde étant la trame sonore instrumentale, qui, elle, sera distribuée en CD le 28 juin 2005. Du côté de True Lies, eh bien, elle est distribuée sous l'étiquette Epic Soundtrack. Elle a été mise sur le marché le 30 juin 1994. Vous avez non seulement quelques chansons chantées à travers ça, mais vous avez également la musique instrumentale du compositeur Brad Fiedel. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.